je voulais te dire, tu sais, souviens-toi, souviens-toi de l'errance, de l'enfance, souviens-toi, comme tout était paisible avant que tu connaisses les rancœurs, la peine, la souffrance des humains, c'est être maudit. Souviens-toi, souviens-toi, bien avant ta naissance, bien avant même d'être, bien avant même d'être, souviens-toi, à quoi nous sommes voués, quelle est la mission avant la miséricorde, souviens-toi, l'épreuve de nos souffrances, de souffrances, et même dans ce cosmos uni, tu n'es pas de nuit. Tu n'es pas engrangé les sillons du bonheur, et que sais-je si le froid nous congèle, où serait-ce la raison, l'érosion en dépit de trancher, de trancher et de l'impunité. Certains ont trahi la conscience de la connaissance dans le but du profit.